La légende de Noël. La cité était éclatante de joie. L'infâme démon avait disparu, laissant un trou béant dans le palais. Mary et Imi me sautèrent dessus. Tu nous as sauvés! Avec Nora. Il n'y avait plus que son sac à malice échoué par terre, juste à l'endroit où elle s'était écroulée. Je l'ai pris. On n'eut pas besoin de mots. On se serra très fort dans les bras. Et mon oncle, qu'est-il devenu? Il est peut-être dans la salle du trône. On s'y précipita pour arriver devant une pièce dévastée. L'oncle de Mary était affalé près du trône, entouré des jouets du royaume qu'il avait confisqués. Une mèche de cheveux tombait tristement sur son visage. Même s'il suffoquait, à bout de force, les traits tirés, son regard luisait de haine. « Maudits enfants, ils vont voir ce qu'ils vont voir. » Il essaya de se lever, mais s'étala de tout son long. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« On l'arrête. » »« Non, regarde. » Les ombres de la salle se rassemblèrent au centre pour former une porte. Celle-ci n'avait rien de modeste. Tout en cristal ciselé d'une myriade de détails, elle était aussi imposante que la porte d'entrée d'un palais. Une lumière bleue se répandit alors qu'elle s'ouvrit. Des bruits de pas résonnèrent. Une grande silhouette blanche pénétra dans la salle, baignée de volutes de fumée noirâtre. Avec son ample robe immaculée et sa large capuche qui lui masquait le visage, on aurait dit un moine. La silhouette s'avança lentement vers le seigneur régent déchu, qui se releva péniblement. « Laissez-moi leur régler leur compte !» Elle posa sur son épaule une main pâle et délicate, puis elle se pencha vers lui, comme pour lui murmurer quelque chose. « Alors, tout est fini ?» Un nouveau murmure arracha un sourire triste au pauvre ex. Et il eut ce geste étrange. Il prit la main de la silhouette comme un enfant prendrait la main de sa mère. Sa peau devint pâle, ses yeux se teintèrent d'un bleu glaçant. Il scruta la pièce un instant, l'air nostalgique. Puis ils passèrent la porte, qui se referma dans un bruit sourd et disparut. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'en ai pas la moindre idée. Cette fois, c'est vraiment fini? Pas tout à fait. Mon regard s'était posé sur le trésor du seigneur régent. Tous ces jouets méritaient de retrouver leur propriétaire. Je savais quoi faire. J'ai ouvert le sac magique de Nora pour y fourrer tous les jouets volés. Comme s'il avait compris, Newt Newt nous attendait attelé au traîneau. On passa le reste de la nuit à redistribuer tous les cadeaux. Ce fut la plus belle fête de Yule que le royaume ait jamais connue. Un moment unique, où les enfants comme les adultes partagèrent cette joie toute simple du cadeau au pied de la cheminée. C'était la légende de Noël. On espère que cette histoire vous a plu. On vous souhaite de bonnes fêtes et on vous donne rendez-vous le 7 janvier pour encore plus de petites histoires.